Allez, s'il vous plaît, deux petites minutes d'attention, merci. Chut. Bienvenue à tout le monde, il y a encore quelqu'un que j'ai peut-être pas dit bonjour. Soyez bienvenus ce dimanche matin. Vous avez vu, on n'est pas beaucoup l'encadrant, mais on est suffisamment. On est suffisamment pour les groupes, ça va bien se passer. Vous avez vu qu'il y a un peu de vagues, un peu de courant, pas trop de soleil, mais c'est pas grave. Venu du soleil, il faut attendre l'après-midi. N'oubliez pas de vous inscrire près de Nelly pour le barbecue du 23 juin. Ça marche ? C'est le dimanche 23 juin. N'oubliez pas non plus de ramener une bouteille d'eau glacée. Hein, mettez une bouteille dans le congélateur la veille ou l'avant-veille pour ramener. C'est pour refroidir les boissons. Aussi, si tu veux. N'oubliez pas pour le 23 juin de ramener vos couverts, assiettes, tout ce qui va bien. Je répète, l'assaut fournit les deux apéritifs et la viande. Hein, c'est barbecue. Et vous ramenez le restaurant et la boisson pendant le repas. Ceux qui ont une petite tonnelle, vous pouvez ramener une tonnelle, c'est de ramener une chaise pliante, un machin, s'il faut. Normalement, il y en aura assez, peut-être pas pour tout le monde. Concernant la sortie d'aujourd'hui, donc on va essayer d'aller sur la direction de Dunkerque. Ça va pousser. Non, ça va aller. Aujourd'hui, on reste bien groupé, tout le monde. Hein, on s'entraide. Comme vendredi, ça s'est très bien passé. L'entraide, c'est très important chez nous. On s'entraide. On ne laisse pas tout seul. Si quelqu'un tombe dans l'eau, on remonte, on attend et on redémarre. Ça marche. Si ça ne va pas, si c'est vraiment trop dur, on sort. Chut, s'il vous plaît. Si c'est trop dur, on sort, mais on ne sort jamais tout seul. Hein, il y a l'encadrant qui vous ramène au bord de l'eau. Soit vous repartez un peu vers Dunkerque, vous faites le retour avec nous, soit vous rentrez à la base. Mais le mieux, c'est de faire le retour avec nous, c'est plus sympa. Ça marche. Pour les groupes, on va faire un groupe devant avec Jean-Marc. OK. Après, avec Isabelle. Ouais. Fabienne. Avec un groupe avec les loisirs, ça marche. Derrière, ben, il y aura Sophie, Martine. Et avec... Ben, Joël, il va revenir, mais il va récupérer deux personnes qui sont arrivées un petit peu en retard. Les baptêmes, ils vont venir avec Yves Maud et moi-même, et peut-être Joël, on verra. Sinon, il viendra donner un coup de main dans les groupes. Est-ce que tout le monde a son groupe pour la sortie? C'est bon? OK, allez, on est parti pour le comptage. Bonne sortie à tout le monde. Merci, Marcel. Viens dans mes bras. On compte le nombre de longeurs qui vont partir à l'eau parce que pour des raisons de sécurité, on va prévenir le sémaphore pour dire combien on est, dans quel sens on va et la durée de l'activité, puisqu'il y a la surveillance maritime qui a besoin de savoir ce qui se passe dans l'eau, ce qui est un minimum de sécurité.